naturel, mystique. On va leur dire les meutes. Dans nos ghettos, y'aurait moins de drames si on parlait la même langue. Rien ne vaut la vie, vous maîtrisez la fougue de la langue. Du 7-7 au 9-9, ce que tu veux. Rien ne vaut la vie, note ce que tu veux. On est tous vénères, marrés par nos proches, errés dans nos souvenirs. Les hommes deviennent des légendes, car les anges ont emporté nos gens. On est tous vénères, marrés par nos proches, errés dans nos souvenirs. Les hommes deviennent des légendes, car les anges ont emporté nos gens. Trop tôt, les nôtres sont poudrés balles ou cendrés poudres. Frères et sœurs, la haine s'attise vite, avec des rien à f... La vie est trop courte, nous retroussons les manches pour taffer sur la route. De l'espoir, la route, de l'amour pour passer outre. Ghetto youth, n'attends pas la tragédie pour te rapprocher. Et tiens, il faut cesser les regards en coin. Quoi qu'il advienne, n'oublie jamais qu'il y a la souraine. La ila ila la. Dès que je lâche mon hengé, les MC crient oh la la. Naturel, mystique, encore un nouveau flow. La bourse porte sur mes zones vaut rien. Garde tes bravos, la vie se charge de nous séparer. Chaque bloc aux aguets, le chien est fort sur son palier. Sur le fumier, c'est les coqs. Les créatures de Dieu font la guerre avec les armes. Quand est-ce qu'on fera la paix avec les hommes? On roule nos bosses sur un sol souillé. Quand l'imprévu crache à la gueule, il faut avoir de quoi essuyer. Même si le monde avance, évolue sans nous. Notre révolution, c'est faire péter les murs qui se dressent en nous. Nord, sud, est, ouest, île au Bahama, universel. Nous pouvons changer nos habitudes, nos attitudes. Que Dieu bénisse celle qui m'a l'état. J'écris ce que je pourrais pas dire aux gens qui n'ont rien et possèdent tout. Ceux qui raniment nos feux mal éteints. Trop tôt, les nôtres sont poudre et balles ou sombre et poudre. On est tous vénères, marrés par nos proches, errés dans nos souvenirs. Les hommes deviennent des légendes, car les anges ont emporté nos gens. On est tous vénères, marrés par nos proches, errés dans nos souvenirs. Les hommes deviennent des légendes, car les anges ont emporté nos gens. La mort, vous ne savez, je ne sais pas, vie étrangement encore plus, donc je ne pose pas. Cette question inutile, il ne sert à rien de chercher puisqu'elle nous observe. Et elle frappe, on sait pas où, on sait pas quand. La vie infime jusqu'au moment où on dit couper, fin de séquence. Au revoir et à bientôt. Peinture qui ne sera peut-être inachevée par son peintre, mais ne sera quand même ses empreintes. Sur les visages et dans l'esprit, musée de souvenirs. Les proches prient pour se revoir dans l'autre monde. Tu sais, le parc, le jardin d'Éden, le paradis, seul des retrouvailles. Mais seul le Seigneur juge si tu es digne d'y aller. Sinon c'est la descente en enfer. Des cendres de ton corps brûleront encore et ça pendant des décennies. Vie après la mort, je préfère ce sens-là que mort après la vie. Puis à mon avis, sur terre c'est la demeure, on est déjà mort. Donc si on meurt, on revit. On est tous vénères, marrés par nos proches, errés dans nos souvenirs. Les hommes deviennent des légendes, car les anges ont emporté nos gens. On est tous vénères, marrés par nos proches, errés dans nos souvenirs. Les hommes deviennent des légendes, car les anges ont emporté nos gens. J'imaginais le monde sans jeu, mais pas ma vie sans oxygène. Jeune, pensez pas partir d'ici si jeune. Déçu, pas mon décès. Des signes d'en haut, je vous fais. Vous faites la tête bête. Vous êtes de mon enterrement, allez-vous-en. Entre quatre planches, les gens des visages. Non, je veux pas de triste visage. Il faut tourner la page. Malgré le décor, je reste aussi jaune que l'or. Mort, mais vivant dans vos esprits. Autour de mon corps, mes proches prient. Mes os crient, Seigneur, pourquoi l'as-tu pris? Dieu du ciel m'a appelé. Lyrics de boy boy, juste pour dire bye bye. Comme le plan blaya, j'ai cédé le bye bye. Ouais, coco. Faut pas pleurer, mon heure est d'arriver, vous n'aurez qu'à m'honorer. Honorer. On est tous vénères. À la on est tous vénères. Anthony, Gabi. On est tous vénères. Samir, Samir. vénère. John Kanga, le rap. On est tous vénères. Nos proches errent dans nos souvenirs.